Mosaïque. Bonjour auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans cette émission Mosaïque. Au micro, Pacifique Chubahiro. Après les élections de 2015, le Burundi a été marqué par plusieurs faits politiques. La contestation du mandat présidentiel a donné lieu aux négociations d'Arusha. Entre-temps, un dialogue piloté par la Commission nationale de dialogue inter-burundais, CNDI, a été enclenché et s'est clôturé sur la proposition de modifier la constitution, une démarche qui n'est pas soutenue par certains acteurs de l'opposition au régime du parti CNDD-FDD, autant que le référendum prévu en mai 2018 pour ou contre ce projet de la nouvelle constitution. Autant de questions et bien d'autres qui semblent diviser la classe politique et en particulier les partis politiques. Au-delà de toutes ces questions qui créent cette divergence au niveau de point de vue, comment les partis politiques vivent cette différence d'opinion sur des questions aussi sensibles que le référendum et la préparation des élections de 2020? Parviennent-ils à cohabiter pacifiquement? Quels sont les défis à une telle cohabitation? Que faire surtout pour que les partis politiques puissent cohabiter pacifiquement en cette période préélectorale? Voici les quelques questions qui feront objet de notre débat mosaïque d'aujourd'hui. Pour mieux en débattre, nous accueillons quatre invités. Nous accueillons Abel Gachatsi, président du parti Prona. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, merci de m'avoir invité et je salue les auditeurs qui nous écoutent. Bienvenue à honorable Pierre-Célestin Dikoumana, député élu au sein de la coalition Amizero ya Barundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation et bonjour à tous nos auditeurs. Nous accueillons également dans ce studio de la radio Isanganiro honorable Sylvestre Bikolindagara pour le compte du parti Sarwanya Frodebu. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Bonjour à mes confrères ici et à tous ceux qui nous écoutent. Également, nous disons bienvenue à Banzawiton de Gabriel, président du parti APDR. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de votre invitation. À l'animation de l'émission Mosaïque Pacifique Chubahiro, Jérôme Nyonzima en assure la réalisation et Metoussin Mitebouti assure la mise en onde. À vous tous à l'écoute, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Honorable Pierre-Célestin Dikoumana, vous êtes au niveau du Parlement. Aujourd'hui, comment vous vivez cette divergence sur les faits politiques importants, notamment sur la préparation du référendum ainsi que les préparatifs vers les élections de 2020? Merci de la question, mais je dois d'abord clarifier que je ne suis pas ici sur le plateau comme représentant de l'institution de l'Assemblée nationale. Je suis ici comme politicien. Comme homme politique de la coalition Misery Barundi. Maître parlementaire, c'est un ajout. Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais comme ils ne m'ont pas mandaté pour dire quoi que ce soit, je dois bien sûr clarifier pourquoi je suis ici. Par rapport à votre question, je dirais que je suis dans une certaine confusion parce que je trouve des réalités autres sur terrain. Quand vous parlez de cohabitation politique qui soit pacifique, il y a même des discours qui sont prononcés dans ce sens. Mais au niveau pratique, sur le terrain, ce qu'on observe, on observe autre chose. Mais quand même, vous parvenez à vous retrouver sur terrain. Mais comment nous retrouver sur terrain quand nous sommes, je dirais, exclus de cette course-là? J'allais dire, celui qui arrive sur le terrain, c'est celui qui a quand même les possibilités d'y arriver. Nous avons ces possibilités via les moyens de déplacement et autres. Mais quand nous sommes sur le terrain, nous sommes considérés comme, entre guillemets, des ennemis de la nation. Je mets ça entre guillemets. Vous êtes considéré. Qui vous considère ainsi? Mais ce sont les membres du parti au pouvoir. Parce que vous m'avez interrompu, j'allais directement m'exprimer par rapport à votre question. Je peux juste partir d'un simple exemple. J'ai parlé de discours souvent qui sont contradictoires avec ce qu'on a observé sur le terrain. Dernièrement, quand il y avait fête de l'unité nationale, j'étais à Rushuvi, nous avions accompagné notre président de l'Assemblée nationale, très honorable président de l'Assemblée nationale, qui était à son tour accompagné par ce deux vice-présidents, dont son excellence honorable Agathe Rwasa. Il y a eu vraiment des discours, plein de conseils, de l'unité, de cohabitation pacifique, plein de conseils. Après la fête, je dois vous avouer que deux personnes ont été menacées d'emprisonnement pour avoir salué son excellence Agathe Rwasa, qui est notre président de la coalition Amizero ya Barundi. Vous comprenez quand même à quel point il y a intolérance politique, vous comprenez à quel point j'ai parlé de la confusion par rapport à cette question, par rapport à la question de cohabitation politique et qu'ils soient pacifiques. Ils ont été convoqués. Maintenant, j'allais dire qu'ils vivent en cavale, mais ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas paisibles parce que pour l'unique fait d'avoir salué Honorable Agathe Rwasa. Mais est-ce qu'on n'a pas parlé d'un fait isolé? Non, ce n'est pas un fait isolé. Observez ce qu'on trouve dans la commune Nyamurenza. Il y a des gens qui sont arbitrairement arrêtés. Maintenant, on compte une quinzaine qui sont arrêtés par la suite d'une seule personne qui aurait faussé les listes. Mais après, on a profité, ça a été un alibi pour arrêter en catimini une quinzaine de nos membres. Et là, ce sont des réalités sur le terrain dont je vous parle. Là, nous sommes justement à Nyamurenza. Faites un petit saut à Moyinga. Vous avez été témoin vous-même de ce que l'administrateur de Butihinda, le secrétaire communal de Butihinda, a prononcé dans son discours. Un discours que je qualifie d'un discours de haine, où il a invité ses sympathisants, c'est les membres du parti au pouvoir et les sympathisants, de suivre de près les autres membres d'autres partis politiques, en particulier ceux qu'il a considérés comme les ennemis numéro un de la nation, les membres de la coalition Amizero ya Barundi, les indépendants Amizero ya Barundi. Ça, c'est un autre exemple. Vous êtes témoin, vous avez entendu ce que l'administrateur Doga Shoho a prononcé dans son discours de haine, d'invitation à la haine, où il a même considéré que ceux qui n'ont pas les mêmes appréhensions politiques que lui sont des gens à ligoter, à casser. Donc, avec ces discours de haine qui sont prononcés, avec ces contradictions qu'on observe ici et là, avec ces emprisonnements arbitraires observés de partout dans le pays, il n'y a aucune province qui soit paisible dans ce sens. Voilà, vous exprimez un malaise au niveau de la coalition à Misero. Permettez que je me retourne du côté d'Abel Gachatse au niveau d'Oliprona. Est-ce que vous sentez le même malaise que ceux d'Amizero? Au sein du parti Iprona, nos membres, d'ailleurs c'est un conseil qu'on prodigue toujours, de cohabiter pacifiquement avec les autres membres d'autres formations politiques. Au sein du parti Iprona, je suis parfois sur terrain. D'ailleurs, je viens de passer 3 jours à Mouranvia en train de suivre comment l'enrôlement est en train de se faire. Nos membres sont libres, j'ose le dire. Et j'ai eu l'occasion de passer dans toutes les provinces. Je fais des descentes souvent à l'intérieur du pays. Je trouve que les ipronistes nous organisent des réunions librement. Bien sûr, et on ne peut pas dire que tout est parfait. Il y a des cas isolés où quelqu'un d'une formation politique agresse un autre. Mais j'ose dire qu'en général, au sein du parti Iprona, les ipronistes vivent en parfaite harmonie avec les autres membres d'autres formations politiques, que ce soit le CNDD, FDD ou les autres partis politiques. Mais les lamentations de l'honorable Pierre-Célestin Dikoumana vous sont déjà connues? Oui, non. Bon, je viens juste d'entendre. J'essaie de suivre souvent dans les radios et c'est regrettable quand au Burundi, de tels comportements existent. Il faut que surtout les leaders des partis politiques, surtout le parti au pouvoir, devraient suivre de près ces gens-là, et si c'est une réalité, qui prononcent des discours de haine. On venait juste de fêter la fête, de célébrer la fête de l'unité, et avoir le discours de son excellence le président de la République, avoir les discours des autres autorités du pays, et ce sont des discours qui incitent les Burundi à cohabiter, à vivre pacifiquement. Il faut alors que les dirigeants des partis politiques, il faut que les administratifs, surtout les administratifs à la base, comprennent que le pays nous appartient tous, que le fait d'appartenir dans un parti politique, ça ne signifie pas que l'autre qui appartient dans une autre formation politique que tout soit un ennemi. Donc, ce sont des enseignements que nous devons donner à nos membres. Sinon, si cela est arrivé, je pense que c'est très regrettable. Voilà, nous y reviendrons surtout vers la fin de cette émission. Je me retourne du côté d'honorable Sylvestre Vukolindagara. Au niveau du parti Sawanya Frodebo, comment appréciez-vous la cohabitation entre les partis politiques? Notre impression n'est pas très différente de celle des autres partis de l'opposition. Comme le parti prenant, représenté par Abel Gachatsi. Non, lui, apparemment, il vient d'entendre juste maintenant qu'il y a des problèmes, mais chez nous, nous avons appris depuis bien longtemps, nous suivons ça de près. Alors, ça m'étonne d'ailleurs qu'il en apprenne. Je pense que ça passe. Non, je ne dis pas, non, il ne faut pas quand même dire des mots que je n'ai pas dit. Moi, je suis, mais j'ai dit que les ipronistes, à la base, vivent en parfaite harmonie avec les autres. Non, formation politique. Non, c'est ça. Je parle des cas dont a parlé l'honorable Jean Septier. Non, moi je ne suis pas ici pour suivre les cas d'IDF. Mais quand même, vous avez affirmé que c'est. Si cela. Que vous venez d'entendre, c'est lamentation aujourd'hui ici sur plateau. Parce que vous avez bien mis ça au conditionnel. Si ça se fait. C'est ça que. Mais la réalité, c'est que ça se fait. Il n'y a pas de conditionnel. De toute façon, je ne viendrai pas sur ce plateau pour mentir. Non, de toute façon. Pour nous, bien sûr, c'est très regrettable. Cela, c'est en train de fausser. C'est la démocratie et la compétitivité. Est-ce qu'il y a des membres de Sawanya Frodebo qui sont inquiétés comme ceux de la coalition Misère Barou? Ah, mais bien sûr, et ils le sont. Il y a des cas où même ces jours-ci, on arrache nos drapeaux, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on n'est pas encore en campagne entre partis. C'est juste pour un référendum. Moi, je ne comprends pas pourquoi on choisit cette époque pour déroger nos drapeaux, nos enseignes au sein de, près de nos permanences. Je ne comprends pas. Mais vous savez, moi ça ne m'étonne pas que ça arrive, parce que les contradictions, plutôt le malentendu, a commencé bientôt. D'abord sur l'opportunité de réviser la Constitution. Ça s'est dit même sur ce plateau. Également sur le moment, sur le contenu du projet de Constitution. On en a débattu ici. Troisièmement, sur le moment où on veut faire ce référendum et la façon dont on est en train de l'organiser, apparemment avec précipitation. Donc tout cela ne peut qu'engendrer un peu de confusion et de mésentente entre les différents protagonistes, je dirais. Ne pas s'entendre sur des faits politiques ou des actions initiées par le gouvernement, le parti au pouvoir, ça ne veut pas traduire nécessairement absence de cohabitation entre partis. Mais quand vous dites cohabitation, c'est-à-dire quoi? Mais si nous vivons ensemble, on peut vivre ensemble, mais en nous suspectant respectivement. Mmh. Et être sûr qui vivent ça, ce n'est pas une bonne cohabitation. Avoir peur de l'autre, avoir peur de dire ce qu'on pense. Mmh. Et toujours être soumis, probablement, être soumis aux menaces de l'autre. Ça, ce n'est pas une bonne cohabitation. Si la solution pour celui qui est menacé de se taire, ça, ce n'est pas une bonne cohabitation. Mais c'est la réalité pour vous qui s'observe ici au Burundi. Mais bien sûr, il y a beaucoup de cas qui en témoignent. Il y a beaucoup de cas, comme l'a dit mon confrère, honorable Pierre Célestin. Je me retourne du côté de Banza Witonde Gabriel, président du parti APDR. Comment appréciez-vous la cohabitation politique entre partis politiques? D'abord, pour le parti APD, nous remercions le Burundi d'avoir comment maintenant le climat par rapport aux années passées, puisqu'on voit que le Burundi vient traverser la crise depuis 2014, mais jusqu'à maintenant, il y a une amélioration totale. Je dirais que pour le parti APD, nous voyons que nos militants, nos membres cohabitent bien avec les militants des autres partis politiques. Le témoignage en est que numéro 8, février, nous étions à Cibitoke pour inaugurer notre permanence à Rugombo et à Buganda. Nous voyons quand même qu'il y a une amélioration par rapport aux années passées. Alors, pour dire que nous voyons qu'au Burundi, la démocratie est en train de raciner, est en train quand même de mettre un pas en avant. Mais nous regrettons fort d'entendre ce que les gens de la coalition Misère viennent de dire, puisque pour le Burundi, nous disons quand même qu'il y a au moins trois catégories de partis politiques. Il faut savoir, il y a vraiment les partis qui veulent participer aux élections, gagner ou bien perdre, pas de problème. Il y a les partis qui sont là pour plaider quand même, avoir un poste Mais il y a aussi d'autres partis qui sont là, dirait que si ce n'est pas nous, il faut tout lâcher. C'est pourquoi. Et quelle est la position de APDR? La partie APDR veut les élections pour gagner ou bien perdre. C'est ça, puisqu'on a déjà franchi le pan de la démocratie que les autorités peuvent accéder au pouvoir à travers les élections. Est-ce que sur base de cette démarche et de cette position de APDR, vous ne rencontrez pas de problèmes avec d'autres partis? Non, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème, puisque nous, nous disons quand même, nous voulons tout simplement les élections succéder ceux qui sont au pouvoir. Mais si cela n'arrive pas pendant problème, les élections continueront à exister, à exister, à exister. Merci beaucoup. Je me retourne du côté d'honorable Pierre-Célestin Ndikoumana. Qu'est-ce qui serait à l'origine de ce malaise par rapport à ces arrestations qui s'effectuent contre vos membres? Bon, ce qui est à l'origine, c'est purement et simplement, c'est clair, c'est l'intolérance politique, c'est le verrouillage de l'espace politique que nous avons toujours fustigé, que nous avons toujours condamné. Parce que si réellement on parle d'un pays démocratique, il faut qu'on laisse les gens jouir de leurs droits et libertés politiques. Donc ce qui est à la base de ça, c'est bien sûr cette intolérance. Quand on dit, bon, nous n'allons pas quitter Tchalatouvounien, nous allons rester éternellement, c'est ça l'origine. Donc on ne veut que personne ne puisse exercer ses droits politiques. Donc on veut museler tout le monde. Donc des fois je me dis, je suis étonné si j'entends que les gens qui parlent d'une totale amélioration de la situation politique au Burundi. Comme le président de la PDR. Oui, il ne faut pas confondre les choses. Si les uns cherchent la soumission des autres, la relation de soumission n'est jamais une relation pacifique. Si quelqu'un se soumet à l'autre parce qu'il le fait, bien sûr, parce qu'il le fait pour se protéger ou pour la survie, ou parce qu'il y en a les ce moyens n'est payés. Pas, oui, bien évidemment, parce qu'il y a toujours rapport de force. Quelqu'un qui vous opprime, qui a l'armée, qui a les services de renseignement, qui a la police, etc., etc., qui a toute la machine pour opprimer les autres, des fois, peuvent se retrouver dans une situation de soumission. Mais c'est ce que je vais dire. Je ne veux pas que les gens confondent les choses. Si les gens sont soumis, ils ne sont pas libres. Et par conséquent, ce n'est pas la paix. Au niveau intrapsychique, ce sont des frustrations qui sont développées. Alors, ce que je remarque sur le terrain, les uns, particulièrement les membres du parti au pouvoir, aux commandes du pays, cherchent à soumettre les autres. Et cette soumission recherchée par ces membres du parti au pouvoir ne peuvent en aucune façon être considérées comme une cohabitation pacifique. Ça, vraiment, il faut le savoir. Et des fois, je me dis, bon, ce qu'on observe sur le terrain, par rapport aux discours de haine, par rapport aux actes peu recommandables, qui sont perpétrés par les administratifs, quelques administratifs, bien évidemment, c'est pas tous, il faut pas globaliser. Des fois, je me dis que ça serait lié à l'excès de zèle. Des fois, je me donne que cette ce hypothèse. N'est pas, ce n'est pas une que consigne ce n'est pas qui une... vient au niveau de... Des fois, je de, me donne cette hypothèse. Du sommet du parti. Mais évidemment, mais ce qui m'intrigue, c'est parce que quand il y a ces actes de dérapage, que ce soit au niveau du langage, que ce soit au niveau des actes perpétrés contre nos membres, nos militants, perpétrés contre quiconque oserait dire quelque chose qui soit contraire à la volonté de ceux qui sont aux commandes du pays. Des fois, si j'observe ça, je me dis, bon, et si c'était lié justement à cet excès de zèle, si les gens peuvent dire n'importe quoi, si les gens peuvent inciter les autres à la haine, si les gens peuvent inviter les autres à la désobéissance, et je pèse mes mots, à la désobéissance, quelqu'un qui vous dit, bon, si vous arrêtez quelqu'un, si vous entendez quelqu'un qui dit quoi que ce soit, qui dit votez non, ne cherchez pas l'officier de la police judiciaire. Informez-nous, nous allons savoir quoi faire. Mais avant tout, il faut le ligoter. Donc, ça se passe au Burundi. Mais ça s'est passé. Ce sont des discours qui ont été prononcés par des administratifs, un administrateur et un conseiller, un secrétaire dans l'administrateur. Et quand j'observe qu'après, personne ne dit aucun mot, il y a la police, donc il y a la justice, il y a le ministère public, il y a tout ça. Et quand je réalise que personne ne peut réagir par rapport à ces propos incendiaires, par rapport à cette invitation à la haine, et même au désordre public, et qu'on laisse comme ça, je me dis, bon, finalement, ça peut être une consigne. Mmh. C'est une hypothèse. Hein. Si on peut dire, bon, prenons que ça soit, prenons l'hypothèse que ça soit peut-être lié à l'excès de zèle, ce qu'on observe, mais et que des actes sont dénoncés et que rien n'est fait, alors qu'il y a tous ces services du gouvernement qui doivent agir, qui sont même appelés à agir, à mettre des balises par rapport au comportement de dérapage de la part de certains membres de la population, de certains administratifs, etc. Si rien n'est fait, on peut conclure que finalement, c'est un mot d'ordre. Et si on cultive cette intolérance politique jusqu'à ce degré, je suis désolé, on ne peut pas penser de l'amélioration totale de la situation de cohabitation politique pacifique. Monsieur Abel Gachatse, au niveau de l'Iprona, nous venons d'entendre l'honorable Pierre-Célestin Dikoumana qui parle tantôt des actes délibérés ou annexés d'OZ de la part de l'administration. Quel est votre commentaire? Oui, comme il l'a déjà dit et comme il vient de le dire, il vient de citer des actes perpétrés par certains membres du parti au pouvoir, d'autres perpétrés par des administratifs à la base. Mais moi, ce que je dis, je suis ici comme président du parti. Dans le pays, même au sein des formations politiques, il y a des dérapages. C'est vraiment regrettable, c'est triste d'entendre qu'il y a des administratifs qui devraient diriger le pays, orienter la population et oser prononcer à l'heure actuelle des discours de haine. La coalition Amizera Barundi, elle est au gouvernement, elle est à l'Assemblée nationale. Et de tels actes, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'inventorier et de déposer ces actes devant les juridictions, devant les autorités du pays. Il est à l'Assemblée. Et le président de l'Assemblée, il est du parti au pouvoir. Et le vice-président de l'Assemblée, c'est le président de la coalition Amizera Barundi. Il faut dénoncer tout cela et entendre. Et surtout, quand Ali Prona, il y a un membre du parti Prona qui est menacé dans les cuirs et pilotes qu'il est du pays, moi, je prends le téléphone et je contacte directement le secrétaire général du parti au pouvoir ou bien ses représentants. Et dans la mesure du possible, j'ai eu quand même l'occasion où ces gens-là donnent des instructions à leurs subalternes et des fois, on voit que quand même la paix revient. Mais à entendre honorable Pierre-Célestin Dikoumana, on dirait qu'ils ont déjà franchi l'étape de dénoncer. C'est comme s'ils sont déjà dans une étape de résignation. De résignation. Ça serait vraiment difficile. Ça serait vraiment difficile. Et je vais vous donner un exemple. Mercredi, quand je suis allé me faire inscrire dans ma commune natale, Mbouye, c'était à Kivoga, on m'a dit que quelqu'un qui faisait partie des agents recensés a faussé l'enrôlement. Et j'ai mené des investigations et on a appelé le vice-président de la CEPI Mourambia. Il est venu, il a parlé à la télé. On a remarqué que celui qui a commis ces erreurs, c'était un membre du parti CNDD-FDD et il a été emprisonné. Je ne sais pas si pour le moment il a été libéré, mais quand même, on l'a emprisonné. Mais il était du parti CNDD-FDD. Pour dire que... Vous pensez que si c'était honorable Pierre-Célestin Dikoumana qui faisait la même dénonciation, oui, le résultat serait le même? Je pense qu'on l'a emprisonné avant que je n'arrive là-bas. Donc l'important, c'est de communiquer. Quand tu trouves qu'il y a quelqu'un qui est menacé, il faut réunir toutes les preuves et essayer de contacter les autorités du pays, contacter les dirigeants du parti au pouvoir, contacter même les autres formations politiques pour quand même que cet acte soit connu de tous. Et de là, je pense que quand même une solution sera trouvée. Honorable Colin Dagara, avant de passer la parole à Pierre-Célestin Dikoumana qui a juste un petit ajout, qu'est-ce qui serait à l'origine de ce malaise? Pour répondre à cette question, je voudrais vous lire la définition de ce qu'on appelle campagne électorale. Ça, c'est l'article 25 du code électoral. Mm-hmm. Il dit que la campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection ou un référendum et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition ou à se prononcer sur une question qui leur est soumise par voie de consultation. Vous avez compris. Mm-hmm. Mais La campagne électorale, donc, la campagne électorale est comprise dans un temps déterminé. Mais pourquoi vous évoquez la campagne? Oui, je l'évoque parce qu'il y a la campagne électorale, alors qu'on parle de la cohabitation. Il y en a qui ont commencé la campagne et ils en veulent, ne pas l'accepter pour les autres. Et c'est là le malaise qui vous êtes déjà en campagne et vous l'interdisez pour les autres. Et quand même, ils ne le font pas directement. Vous prétendez qu'ils sont en campagne et vous vous arrogez le droit de leur infliger des peines quand même la loi ne vous y autorise pas. Et cela crée une frustration au niveau de votre parti. Bien sûr, la campagne électorale généralement elle dure 2 semaines. Maintenant, les autres ont commencé bien avant, à commencer par certaines autres autorités. Donc, vous n'avez pas été satisfait par la réponse donnée par le gouvernement et les partis au pouvoir que c'est la période d'explication, pas la campagne. Non, ils ont déjà fait la campagne pour le référendum. Nous avons suivi vos médias. Il y a des autorités qui ont déjà mener cette campagne, mais l'interdisent pour d'autres. Et même quand ils vous soupçonnent de faire cette campagne, vous êtes en réunion à deux, ils n'ont même pas entendu ce que vous dites, on vous arrête, ça ne va pas. Et puis, je dois aussi dire que chez nous, nous ne soucions pas seulement du sort qui est réservé à nos militants, mais à toute personne, à tout citoyen burundais, qui qu'il soit quand il est malmené ou injustement arrêté, qu'il soit du Frodebo, de l'Iprona, d'Ami Zéro ou de tout autre parti politique et même du CNDD-FDD en violation de la loi. Donc, quand nous devons réagir, nous réagissons quand on enfreint la loi, notamment de procédure. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'arrêter qui que ce soit. Mais vous entendez un administrateur communal qui donne son pouvoir à ses citoyens de ligoter et de ne même pas passer par l'officier de police. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Pour moi, l'origine est là. Mais je vous ai dit aussi que ça ne m'étonne pas parce qu'il y avait déjà, il n'y avait pas d'accord sur l'opportunité de réviser la Constitution, la période même de faire cette consultation et la façon dont on est en train de l'amener. Honorable Ndikoumana, juste une minute pour qu'on passe la parole à Gabriel, président du parti APDR. Moi, j'ai suivi avec intérêt mes confrères ici. Gachati qui a dit que quand il trouve qu'un membre de son parti est menacé, il contacte directement le secrétaire général du parti au pouvoir et il règle l'affaire très rapidement et que c'est vite fait. Moi, des fois, je me dis, bon, finalement, nous sommes dans quel système? C'est comme si nous sommes pour la consécration du parti État. Mais il a rappelé que vous faites partie du pouvoir. Mais il l'a rappelé, bien évidemment. Faire partie du pouvoir ne signifie pas se taire ou avaler toutes les hypothèses du gouvernement. Ça signifie plutôt appuyer son pouvoir au besoin en dénonçant ce qui ne marchait pas pour qu'il se corrige, pour qu'il rectifie le tir. Afin que les choses marchent. Mais le gouvernement, je l'ai toujours dit. Mais vous êtes solidairement responsable au niveau du gouvernement. Mais oui, cette solidarité dont on parle souvent, il y en a même qui disent que nous devrions nous taire, avaler toutes les hypothèses qui sont là, toutes les hypothèses du parti au pouvoir. Ça c'est vraiment passer à côté des réalités du système démocratique. Être au gouvernement, avoir 5 ministres au gouvernement, ne signifie pas boucher les oreilles face aux violations des droits humains. Ne signifie pas boucher les oreilles, devant des situations d'injustice, devant l'intolérance politique. Ça, vous ne verrez jamais chez nous. Nous aurons toujours à condamner ce qui est condamnable, même les enfants. Ils peuvent dénoncer ce qui ne marche pas dans la famille. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas dans la famille. Ils peuvent dire, mon père, ça ne va pas. Comme la maman aussi peut se lamenter sur quelque chose. Comme le fils aîné peut aussi même donner des suggestions par rapport à la façon dont la famille devrait marcher. Dire quelque chose qui ne marche pas ne signifie pas qu'on n'est pas solidaire au gouvernement. Par contre, avaler toutes les hypothèses du parti au pouvoir, cautionner tous les actes délibérés, serait trahir le peuple burundais. Ça serait trahir notre nation. C'est ce que je disais. Vous m'avez interrompu directement après, par rapport aux propos de mon confrère ici, Gachati. Comment est-ce qu'on penserait à communiquer en premier lieu au secrétaire d'un parti politique, qui qu'il soit aux commandes ou pas? devant un acte délictueux qui est commis quelque part. Donc ça, c'est consacrer le système de parti-État. Parce qu'il y a des institutions étatiques. Il y a la justice, il y a l'administration. Mais est-ce que le secrétaire du parti au pouvoir, il aurait quel pouvoir de régler des affaires, disons par exemple des affaires criminelles, quand il y a les instances, les institutions, la justice qui est là? C'est vraiment regrettable. Parce que nous sommes en train de marcher dans un système... Merci. Je n'ai pas exagéré. Merci Pierre-Célestin. Il a dit que nous, nous ne portons pas plainte. Oui, mais oui. Le ministère public a l'obligation, s'il y a infraction constatée, il a l'obligation d'intervenir et d'agir, interroger les juristes, interroger les textes de l'État, les textes de le code électoral, plutôt le code pénal, etc., etc. Il a l'obligation d'agir pour la sécurité et la tranquillité de la nation. Mais il ne vous est pas également interdit d'interpeller le ministère public. Est-ce que vous le faites pour ces cas délictueux que vous constatez sur terrain? Nous l'avons toujours fait, mais le résultat, c'est toujours difficile à qualifier même, parce qu'il n'y a pas toujours de suite favorable. Et je vous disais, bien sûr, que même pour des cas aussi flagrants comme les deux cas que j'ai cités ici, on ne devrait même pas porter plainte, parce qu'il y a eu un acte, une infraction, une invitation à la haine, une invitation à la désobéissance civile, parce que le secrétaire communal de Boutinda, par exemple, a interdit à la population de porter plainte à la justice. Donc il a s'est substitué à la justice. Mais il ne peut pas engager tout un système. Voilà, la responsabilité pénale est individuelle. Est-ce qu'on l'a arrêté? Est-ce qu'on lui a posé une seule question pour cette infraction, pour expliquer les mobiles de cette invitation à la haine? Donc ça, ce sont des exemples typiquement qui montrent typiquement que nous sommes en train de marcher dans un système qui risque de nous coûter cher en matière de libertés individuelles. Je me retourne du côté de Wanza Witton et Gabriel, président du parti APDR. L'honorable Pierre-Célestin Dikoumana parle d'une tendance vers un parti-État, un système que l'on connaît qui prône la suprématie d'un seul parti au pouvoir. Est-ce que vous l'entendez de cette façon? D'abord, je suis désolé. Il faut que l'honorable connaisse bien que si nous, le parti politique, nous avons une bonne cohabitation, s'il y a un problème entre nos membres avec les membres des autres partis politiques, on peut signaler au président de son parti pour régler son problème. Mais ce n'est pas au niveau aussi des partis, mais au niveau de l'administration. Je vous dis franchement que la fois passée, l'administrateur de la commune Ousiga a refusé une réunion de notre représentant à la commune. Mais on a signalé le gouverneur a réglé le cas. Soit disant que le parti n'est pas agréé, que le parti APD est agréé. Ça a été même cas horror. Alors pour dire que... Est-ce que vous n'admettez pas les cas évoqués, considérés comme délicats? Non, comme c'est là où que je vais arriver. C'est là où que je vais arriver. C'est là où que je vais arriver. Du parti au pouvoir ou l'administration? Non, c'est là où que je vais arriver. Il y a d'abord les politiciens qui se mettent et même en danger. Pour dire que la coalition... Sans être mandaté par... La coalition Misère se met en danger, donc et même. Comment et pourquoi? Je dis franchement, il faut qu'on aille directement. Je vous ai dit qu'il y a trois sortes de partis politiques. Il y a les partis qui veulent l'élection. Il y a les partis qui ne veulent pas l'élection, qui veulent tout simplement tout tomber. Vous savez qu'à Misère en 2010, c'était le parti FNR. Ils ne sont pas se présentés aux élections. 2010, ils ont boycotté les élections. 2015, l'honorable n'a pas voté. Mais les membres ont serré les dents, ont voté pour eux. Et maintenant, ils sont à Tigobe. Alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas votés pour dire qu'il y a les partis qui ne veulent pas les élections. Alors, si on analyse bien, la coalition Misère ne veut pas encore les élections comme auparavant 2015, comme auparavant 2015. Mais si le leader de la coalition Misère à Barundi a sensibilisé à tous ses membres d'aller se faire enrôler, c'est qu'ils vont participer au référendum. Oui, je comprends. Il ne faut pas me couper la parole. Il faut m'entendre bien précis. Pourquoi je dis ça? Alors, si on analyse bien, jusqu'à maintenant qu'on appelle coalition, mais ce sont des indépendants. Si on parle d'indépendants, il n'y a pas une loi qui régit les indépendants. Pour dire que si tu es indépendant, on te vote à cause de votre honnêteté, à cause de votre loyauté, c'est fini. Après les élections, c'est fini. Alors, jusqu'à maintenant, la coalition Misère veut se comporter comme un parti politique. Alors qu'il n'y a pas une loi qui régit la coalition Misère Barundi. C'est pourquoi. Deuxièmement, la coalition veut que les militants fondent des réunions alors qu'ils n'ont pas cette compétence. Autre chose. Nous n'avons pas quoi ? Ils n'ont vous pas ne cette compétence. Pour lui, nous c'est pour triste. Pourquoi ils n'ont pas la compétence. C'est son point de vue. Ils n'ont pas la compétence de convoquer une réunion de la coalition misère. Puisqu'il n'y a pas une loi qui régit la coalition. Deuxièmement, ou bien troisièmement, il y a un problème entre eux. Quand nous étions à Arusha, je vais vous montrer le document. Monsieur Gwasa, honorable Gwasa, a signé le document en tant que FNR misère. Est-ce qu'on se demande, il est à Chigobe, en tant que FNR misère, ou bien il est à Chigobe comme misère? Non, pour dire que lui aussi, il provoque. Quand on était à Arusha le mois passé, on a dit ça. Et on a évoqué ça à facilité. Pourquoi monsieur honorable Gwasa signe en tant que président FNR misère, alors qu'il a Chigobe comme misère? Pour dire que maintenant, le problème réside entre cette coalition. Donc, qui peut provoquer à votre avis, les problèmes rencontrés par les membres de la coalition à misère sont plus internes qu'externes? Oui, pourquoi? Puisque la coalition incite les militants de faire des réunions, invite les gens, les militants, alors qu'ils n'ont pas la compétence, que les gens de la commune, les militants de la province peuvent faire une réunion, puisqu'il n'y a pas une loi qui régit la coalition en tant qu'indépendante. C'est pourquoi je leur demande, si c'est possible, on a demandé maintes fois, ils ont gouvernement, arrangez-vous à faire un parti politique pour exercer vos activités. Sinon, vous risquerez de rester dans les mêmes conditions, de ne pas pour que le Burundi n'y aura pas d'élection, afin que vous perturbez tout simplement les étapes, les échéances électorales, alors que nous voulons jusqu'à maintenant être des partis politiques. C'est quoi ce misère toujours qui crie? Pourquoi? C'est pour parce qu'ils n'ont pas voulu faire un parti politique, mais pour déranger tout simplement, déstabiliser la sécurité, déstabiliser la paix déjà franche. Mosaïque. C'est pourquoi je dis, et je répète encore, on n'avait pas accepté tel comportement. Et encore, vous mettez les gens, vous avez l'immunité, mais vous mettez vos militants en danger. Mais vous n'acceptez pas ça, cette démarche au niveau d'un misère, en tant que qui? C'est quoi? C'est indépendant. Si tu es indépendant directement, tu es indépendant, on te vote à cause de votre loyauté pour représenter l'indépendance. Mais après, vous n'allez pas dire vous comportez comme un parti politique. Il y a un avis par rapport à ça de l'honorable Sylvestre Bikonindagara. J'ai demandé une motion et ce n'est pas dans mes habitudes, mais je trouve que nous venons de passer beaucoup de temps à côté du sujet. Mais il vient d'expliquer le malaise est ressenti par les membres de la coalition misère. Il est en train de faire un procès contre la coalition misère. On dirait qu'il représente le ministre de l'Intérieur. Ça, vraiment, il faut vraiment distinguer. Nous sommes venus ici pour parler des problèmes de référendum. Mais ici, il n'est pas là pour dire à qui que ce soit qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. On peut même s'exprimer en tant que citoyen simple n'appartenant pas à des partis. Ah oui, tous ceux qui vont voter ne sont pas... Et puis, je l'ai dit, ceux qui sont malmenés ne sont pas seulement de... Misère. Mais tout de même, si vous n'êtes pas pour sa façon, si vous n'êtes pas pour son avis, quand même, vous respectez. Oui, mais il nous prend beaucoup de temps alors que ce n'est pas le sujet. Non, c'est pas c'est le sujet. Il a essayé d'expliquer. On a dit les origines. C'était pour dire qu'on est à côté de là. Juste deux minutes, on passe la parole à Abel Gachette. Bon, je ne veux pas trop dire parce que moi, je n'aime pas discuter avec les gens qui, même si je suis provoqué, des fois, je me retiens parce que c'est la maturité politique. Parce que mon frère ici, il a mélangé chou et chèvre, il a évalué Arusha, il a parlé de la perte des élections, il nous a accusé de déstabiliser les gens, de déstabiliser le pays, etc. etc. Bon, je ne vais pas m'exprimer sur mais ça en résumé, parce que ce sont des histoires de quelqu'un qui veut se passer pour un porte-parole du parti au pouvoir. Et c'est ça le danger dont je vous ai parlé. C'est ça le danger. Si je parlais de parti-État, ça s'est déjà installé. Et c'est remarquable même s'ils sont au plateau. Pas du tout. Parce qu'il a jugé. Celui qui a les compétences de juger, on le connaît. Il n'est pas du ministère public, il n'est pas de la justice, il n'est pas de quoi. Il est ici comme un représentant d'un parti politique. Et nous sommes ici ici comme aussi des représentants des organisations politiques et nous sommes en train de discuter sur la cohabitation pacifique. Alors, je voudrais dire quelque chose quand même par rapport à ce qu'il a dit, en une minute, si vous voulez, vous avez donné deux minutes, mais en une minute, ça peut suffire. Sa position, c'est que les problèmes des membres de la coalition Ami Zéro sont plus internes qu'externes. Est-ce que c'est nous-mêmes qui sommes en train d'emprisonner nos membres? Ah oui. Est-ce que c'est nous-mêmes qui sommes en train de marmener nos membres, de donner l'ordre de ligoter nos membres, de donner l'ordre de pourchasser nos membres? Est-ce que c'est nous qui sommes en train d'éveiller les gens sur presque toutes les collines la nuit pour leur dire, si vous ne votez pas pour lui, on va vous... Il y a des termes qui sont utilisés, je ne voudrais pas les répéter, mais ce sont des mots merveilleux qu'on ne peut pas répéter, surtout quand on est éduqué. Est-ce que c'est nous qui faisons tout ça? Arrêtons ces histoires. Se mettre en danger, comme il a dit, c'est mettre en danger leurs membres et les membres de la coalition Misérable Ballon de se mettre en danger. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ne pas accepter la soumission. Rien que ça. Et nous n'allons pas accepter la soumission parce que nous sommes dans un état dit démocratique. J'ai dit qu'il a mélangé chou et chèvre quand il parle que nous n'avons pas les compétences de réunion, etc. Probablement qu'il n'a pas lu la Constitution. La Constitution nous donne les libertés politiques et civiles, les droits de réunion, droits d'association, liberté d'opinion. Tout ça, il y nie sur le plateau aussi délibérément. Bon, vous comprenez quand même que ce n'est pas discutable parce que la Constitution est claire, les textes réglementaires de notre pays sont clairs là-dessus et les textes que le Burundi a ratifiés, le pacte international des droits civils et politiques, pour ne citer que ça, garantit les libertés d'opinion, les libertés d'expression. On ne peut pas nous ravir ça. On ne peut pas se laisser faire et accepter la soumission, accepter la pensée unique. Nous sommes ici dans un état dit démocratique où chacun doit apporter sa part pour construire son pays. Et nous sommes tous citoyens burundais. Et personne ne doit penser qu'il est supérieur, qu'il est hyper citoyen. Nous sommes tous des citoyens burundais. Aujourd'hui, si nous parlons par exemple des questions de référendum, le référendum c'est quoi? C'est le oui ou le non. Mais aujourd'hui, il y en a qui tiennent campagne, qui disent oui, oui, oui, il faut voter pour oui. Le temps même de la période même de la campagne n'est pas encore arrivé. On n'a pas encore proclamé cette période-là. Et vous êtes accusé d'enseigner le non. Soupçonné, pas même accusé. Nous sommes soupçonnés d'enseigner le non. Et tous nos militants qui sont en train de croupir dans des cachots, qui sont arrêtés arbitrairement, si je dis arbitrairement, c'est-à-dire sans mandat d'arrêt, sans aucune raison, et à la fin, on arrête quelqu'un et on dit, bon, il était en train d'enseigner pour voter non à la Constitution. Même si on posait la question, où est-ce qu'il était en train d'enseigner ça? Avec qui ils étaient ensemble? Comment tu peux arrêter une seule personne trouvée dans une réunion? Et tout ça, on ne peut pas trouver des explications. Ce sont des alibis, tout purement et simplement. On arrête les gens parce qu'ils sont de l'opposition. Parce que, comme l'a dit notre confrère, je ne sais même pas comment parler de son parti politique, c'est un homme... C'est vraiment... C'est le parti APD. Je ne les ai jamais rencontrés sur le terrain. C'est normal. Malgré tous ces problèmes que vous évoquez, que faire pour que les partis politiques puissent cohabiter pacifiquement, surtout en cette période préélectorale? C'est d'abord... aux gestionnaires de ce pays, un appel que je vais lancer, c'est de comprendre que le pays est un pays pour tous. Il n'y a pas de citoyens et de moins citoyens dans ce pays. Nous sommes tous citoyens burundais. Et nous devons jouir des mêmes droits et libertés. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Parce que tous les malheurs, tous les problèmes que nous en dirons aujourd'hui, c'est lié à la non-appréhension, à la non-connaissance de cette notion-là. J'inviterai à celui qui commande, ceux qui commandent ce pays, disait d'un minimum de tolérance politique, du respect des principes de la démocratie. C'est ça qui ferait quand même qu'on puisse se lever de cet embourbement inutile, de cet imbroglio politique, cette situation confuse. Et donc, vous, Misérable Barundi, en quoi vous vous engagez? Nous, nous sommes toujours engagés au respect de la loi. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes calmes. Nous attendons la période de campagne. Quand bien même, il y a des gens qui ont déjà commencé la campagne. Ça, c'est un exemple parlant. Quoi que également, vous soyez soupçonné d'enseigner le nom. Malgré tout ça, nous sommes en train d'être intimidés. Nos membres sont intimidés. On les réveille la nuit. Ma commune natale, Nyabiraba, et la commune Mutambu, de 20h à 5h du matin. il y avait des jeunes qui réveillaient les gens, qui leur disaient, bon, vous devrez vous faire inscrire, ça c'est pas mauvais, mais la façon dont on fait ça, c'est mauvais. Imaginez-vous réveiller quelqu'un à minuit, lui demander un récépissé pour se transregistrer, et après lui dire, tu vas voter oui, à défaut de ça, tu vas commettre ça. À défaut de ça, nous allons vous éliminer. C'est ça le terme. Donc il faut qu'on laisse les gens tranquilles, qu'on laisse les gens jouir de leurs droits. Et un droit, on peut le jouir. Et un droit est différent d'un devoir. Se faire enregistrer, c'est un droit. Voter, c'est un droit. Se faire voter, se faire élire, c'est un droit. On peut l'exercer comme on peut ne pas l'exercer. Quelqu'un qui n'exerce pas son droit, c'est regrettable, mais il n'est pas condamnable au regard de la loi, au regard du code électoral. Imaginez-vous malmener quelqu'un jusqu'à battre quelqu'un pour ne pas s'être enregistré. C'est pour moi un délit. Mais il faut que les gens comprennent et me comprennent. Je ne suis pas pour que les gens ne se fassent pas enregistrer. Je suis vraiment, et je lance même un appel vibrant pour que les gens se fassent enregistrer. Mais que cela ne soit pas une raison pour qu'ils soient marmenés, pour qu'ils soient interdits d'aller au marché, d'aller se faire soigner, etc. etc. C'est regrettable. Donc, j'invite à nos membres de rester à ça, hein, de se faire enregistrer et d'attendre la campagne pour le oui ou pour le non, parce qu'il s'agit d'un référendum. Et c'est à eux de choisir. Celui qui sera convaincu par les changements opérés, il pourra voter oui. Celui qui ne sera pas convaincu, par contre, il pourra voter non. C'est de son droit. Abel Gachati, président du parti Iprona, vers la fin de cette émission, vous avez compris que il y a quand même, vous admettez qu'il y a certains dérapages auxquels vous enseignez, vous prenez un dialogue pour que ça ne puisse pas se répéter. Par rapport à votre position, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer davantage cette cohabitation pacifique entre partis politiques? D'abord, le Burundi, c'est un pays comme les autres pays. On ne peut pas dire qu'au Burundi, même dans le passé, même dans l'avenir, tout ne peut en aucun cas être parfait. Mais ce qui importe, c'est que quand il y a un problème, il faut que les gens s'assoient ensemble et échangent sur ce problème. Quand j'ai dit que quand un membre du parti Iprona connaît un problème de la part d'un autre membre d'une autre formation politique et que je contacte le dirigeant de cette formation politique, c'est pas pour dire que il y a quand même des choses qu'on peut arranger qu'on peut faire un arrangement à l'amiable sans faire recours à la justice. Mais cela, d'ailleurs, ça prouve à suffisance cette cohabitation dont on est venu ici échanger ici. Alors, ce qu'on pourra faire ici, le problème qu'on a trouvé sur ce plateau, c'est que ici, vous avez invité les dirigeants des partis politiques. Il y a ici, et la coalition, ce n'est pas un parti politique. C'est pas un parti politique. Même le parti politique, quand pour organiser une réunion, tu dois aviser l'administration. L'administration, j'informe à l'administrateur communal, au gouverneur, que je vais tenir une réunion dans tel endroit pour quand même s'assurer qu'il n'y ait pas une autre formation politique qui a organisé une activité du genre là, dans cet endroit. Mais au nom de la liberté de réunion, honorable Pierre Célestin dit que tout Burundi peut se réunir pour échanger avec son concitoyen. On doit quand même se conformer à la loi, c'est quand même c'est réglementé. On ne peut pas faire de n'importe quoi. Quand l'honorable qui type si Bujumbura parle à Moyinga et réunir 10 membres de la coalition sans pour autant aviser l'administration. Ce que je n'ai jamais fait. L'administration doit réagir. Ce que je n'ai jamais fait. Alors, c'est un droit qu'on nous a ravi, malheureusement. Oui. Alors, laisse-moi continuer. En ce qui concerne. Donc, vous voyez ici. La cohabitation devrait d'abord commencer à nous, les leaders. La coalition Amizera Barondi, il est au gouvernement. Le ministère de la bonne gouvernance, il est dirigé par un membre de cette coalition. Développement communal, la jeunesse, fonction publique. Le président de la coalition, il est le vice-président de l'Assemblée nationale. Mais selon honorable, voilà, cela n'empêche pas qu'il puisse dénoncer des écarts. Dénoncer, des oui, écarts. Il faut toujours dénoncer. Imputable au gouvernement. Oui, il faut toujours dénoncer, mais en même temps, dénoncer. Si le média dénonce en même temps quand vous êtes à réunion, je ne suis pas parlementaire, je ne sais pas. On donne des critiques. positive. Si, si, si, si. Mais vous êtes solidairement responsable des actes. C'est Abel qui a la parole. Oui, vous êtes solidairement responsable des actes posés dans son pays, car vous êtes membre du gouvernement. Vous avez un mot à dire. Vous devez conseiller pour que ces actes cessent. Alors, je vous conseille d'aller d'échanger, de communiquer, de s'asseoir ensemble avec le vice-président, devrait s'asseoir ensemble avec le président de l'Assemblée et de tels actes, je pense que ça pourra terminer. Au niveau du parti prenant, quoi vous vous engagez pour améliorer cette cohabitation entre partis politiques? Au niveau du parti prenant, on le fait toujours, c'est ce qu'on fait souvent. Je viens de passer 3 jours à l'intérieur du pays, c'était pour m'assurer si l'enrôlement est en train de se faire convenablement. Je l'ai dit que j'ai trouvé dans ma commune natale, il y avait, je dirais, un incident. Et la personne qui était en train de fausser l'inscription, il a été arrêté et il est décédé de FDD. Alors au niveau du parti, on a d'abord, il faut quand même que comprendre que le Burundi nous appartient tous. On est dans un système démocratique. Autre chose, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Si quand même il y a un pas franchi par les dirigeants du pays, s'il y a une avancée significative, l'IPRONA ne ratera pas de le dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dénoncer, ça dans le sens de conseiller, dans le sens de construire, mais dénoncer dans le sens de toujours dire qu'au Burundi, rien ne va. Car demain, tu peux, aujourd'hui, peut-être c'est le parti au pouvoir, le CNDD qui dirige le pays, mais en 2020, on est en compétition. Il faut que cette compétition s'organise dans les meilleures conditions possibles. Et là, demain, ça sera peut-être l'IPRONA ou la coalition Misère Barundi ou l'autre formation politique, la PDR, le Frodebo, qui va diriger le pays. Il faut quand même, quand l'IPRONA gagne la PDR et l'autre, il faut comprendre les autres formations politiques qui ont perdu les élections, il faut qu'ils puissent aider le parti qui a gagné à bien gouverner, dénoncer ce qui ne va pas et reconnaître ce qui va bien. Je vous remercie. Je me retourne du côté du président du parti PDR. Est-ce que vous avez évoqué tantôt que la situation entre partis politiques et la cohabitation est au bon fixe. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette cohabitation entre partis politiques? D'abord, je regrette fort de ne reconnaître des partis APDR que tous les militants de Misère Barundi ne cessent d'entrer chaque jour dans le parti APDR. Et je sais qu'il est au courant. Il est au courant que les militants de Misère entrent chaque jour dans le parti APDR. Pour se conformer à la loi? Oui, puisqu'ils ont vu que ce sont, je dirais, entre guillemets, menté ou rien. Alors, je sais pourquoi et je comprends les lamentations. Puisque dans la nouvelle constitution, il n'y aurait pas la coalition des indépendants. Alors vous voyez, s'il n'y aurait pas la coalition des indépendants en 2020, il n'aurait pas une place. C'est pourquoi il commence à se lamenter. C'est pourquoi il commence à crier fort. Nous avons une place alors, et nous l'aurons toujours. Alors, deuxièmement, vous voyez quand même, il veut se monopoliser. Qui montre que toujours, il veut le pouvoir par force, alors que ce n'est pas le cas. Il faut donner la parole. Nous sommes sur le plateau. Il veut prendre la parole, dire tout le temps. Alors, comment on peut sortir ça? Comment on peut sortir? Pour en sortir. Mais qu'il aille sur son sujet. Pour en sortir. J'ai posé la question, comment améliorer la cohabitation entre partis politiques? La cohabitation est bien améliorée, sauf si la Misère Barundi et le Frodebo qui les crame. Il y a des partis partant. Il y a des partis politiques partant qui ne voient qu'il n'y a pas. Ce qui arrive. Comme le oui. Il y a des partis qui n'ont pas quand même une place. Même s'ils commencent aujourd'hui à travailler, ils n'auront pas aucune voix. Alors ils se remontent toujours sur le plateau, ils parlent. Mais sur le terrain, rien. Alors pour dire que. Pour que la coalition. Pour qu'il y aurait une amélioration totale. Il faut que la coalition Misère se change en parti politique. pour se conformer à la loi, pour avoir une place, pour avoir quand même une autorisation de réunion, pour avoir comment peut s'organiser. C'est une des composantes des acteurs politiques, mais globalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la cohabitation? C'est pourquoi on a dit quand même que... Entre partis politiques, c'est ma question. Oui, oui. D'abord, je vous dis franchement, c'est pourquoi on a vu qu'il y a une loi à changer. Avec la nouvelle constitution, il n'y a pas une coalition des indépendants. Puisqu'on a vu qu'il n'y a pas une loi qui réglemente les indépendants, on a vu que c'était une loi. Auparavant, quand ils étaient à Arusha, ils ne pensaient pas qu'un indépendant peut être quand même arrivé à tel stade. Alors, on a vu comme il n'y a pas une loi. Répondez à ma question. À la question, que je dis nous quoi. Nous sommes vers la fin d'abord, de cette émission. Pour d'abord, je dis que la cohabitation est bien améliorée. La cohabitation est bien améliorée. Mais pour quand même donner la chance à la coalition des indépendants misés, il faut qu'il change en parti politique pour avoir la loi qui régisse les partis politiques afin d'avoir d'accéder aux droits de quoi des réunions, aux droits de quoi des réunions donc dans toute sur le territoire du Burundi, puisque jusqu'à maintenant il n'y a pas une loi qui autorise les indépendants de faire une réunion. Sylvestre Kolindagara, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la cohabitation entre partis politiques, surtout que votre position c'est que la situation n'est pas du tout bonne? Je vais donner la réponse, mais juste une phrase pour mon frère avocat d'Amizero Yabarundi. Quand le président de la PDR dit qu'il doit se construire un parti politique, maintenant donc ils n'ont aucun droit d'agir comme ça, moi, je dois le renvoyer à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a bien décidé que la coalition, elle est considérée comme un parti politique. En tout cas, durant toute cette législature, elle devrait être considérée comme un parti politique. Parce que la Constitution aussi le permet. Pourquoi? Je peux vous permettre de vous associer, puis ben, n'agissez plus. Mais c'est un peu contradictoire. Mm-hmm. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Je ne sais plus de quelle date. Après, alors, moi, ce que, juste après. Moi, ce que je recommande, d'abord que, comme je le disais sur ce plateau, nous étions en train de discuter de la question de l'unité nationale. Pour éviter la division, éviter ce facteur de la division entre partis politiques qui s'entrent dedans, en les traitant de la même façon. Je disais qu'un des facteurs qui amène le manque d'unité parmi les citoyens, c'est les traiter différemment selon ce qu'ils sont. Jadis, c'était à cause des appartenances ethniques, maintenant c'est appartenance politique. Alors, je recommande à ceux qui en ont le pouvoir, notamment au ministère de l'Intérieur et aux partis au pouvoir, puisqu'il a une ascendance sur ces gens. Donc de dire solennellement, de condamner solennellement et de demander à ce que ces actes d'arrestation, de harcèlement cessent. Quiconque le fera sera poursuivi. Et donner aussi le courage aux gens de l'opposition qui sont harcelés, éventuellement leur donner le droit de se défendre. Parce que Par quel moyen? Monsieur Gachette. Par quel moyen? Mais par le moyen qu'utilise l'autre. Ça sera en désordre. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Vous utilisez le moyen ou le moyen moins de comme celui qu'utilise l'autre. Si vous Est-ce que cela résoudra le problème? Bien sûr. Ça peut résoudre le problème. Mais si vous ne dites rien, si vous voulez résoudre en cas par cas, on a à peu près 3000 collines de recensement. Parce que vous allez courir derrière chaque cas à téléphoner, vous allez probablement tomber sur quelqu'un qui n'est pas coopératif au sein du parti ou de l'administration. Mais ça sera un déficit au niveau de l'administration. Quand ça se passe d'en haut, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministre de la Justice et celui de la Sécurité publique qui donne des ordres clairs. Des ordres clairs, de laisser les gens tranquilles et à eux-mêmes de le dire haut et fort, que se faire enregistrer, qu'ils le recommandent fortement, mais que c'est la liberté des gens d'y aller ou pas. Parce que c'est le droit, mon confrère l'a dit. Et s'il vous plaît, et qu'il cesse aussi de faire la propagande. Parce que si tu fais la propagande, il y a des lois dans le code constitutionnel qui devraient te poursuivre, mais... C'est dommage que quelqu'un de la CENI disait qu'ils ne peuvent rien faire contre l'administration s'il est dans la... Mais celui de la PDR n'est pas dans l'administration. Non, lui, il est dans l'opposition. C'est pourquoi je lui recommande de ne pas s'attaquer à Amizero Yabarundi en faire procès. Laissez le ministre ou le ministère de l'Intérieur qui gère les partis politiques de leur faire ses recommandations, de leur faire ses remarques. Mais surtout, à qui vous recommandez un traitement égalitaire entre partis politiques? L'autorité qui en charge les partis, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, oui, les deux ministres, voilà, et la CENI. Je vous remercie. C'est la fin de l'émission Mosaïque. Nos invités avaient bon à continuer ce débat, mais le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Je dis merci à nos quatre invités. Abel Gachati, président du parti Prona, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Je remercie également l'honorable Pierre-Célestin Dikoumana, député élu au sein de la coalition Amizero Yabarundi. Merci pour avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Je vous remercie beaucoup, même si le temps était insuffisant, parce qu'il y a eu beaucoup d'accusations auxquelles nous n'avons pas pu trouver une réaction. Comme on dit que nous avons perdu des élections, nous n'avons pas perdu des élections, mais ceux qui ont perdu des élections, ce sont ceux qui nous empêchent l'accès à la population. Merci. Je dis également merci à l'honorable Sylvestre Vicolindagara pour le compte du parti Sarouania Frodebou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi pour m'avoir invité. Je dis également merci à Banzaoui Tonde Gabriel, président du parti APDR. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Et merci de l'appeler à mon confrère qui en 2015 on a laissé les gens comme les chèvres, on a vu ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Pacifique Chubahiro a animé l'émission Mosaïque d'aujourd'hui et je rappelle qu'on discutait autour de la cohabitation entre partis politiques. L'émission était réalisée par Jérôme Nyonzima et Metusse Mitebutsi assurait la mise en onde. À vous tous qui nous écoutez, nous vous souhaitons une agréable suite des programmes de la radio Isanganiro. Mosaïque.